La terre alors se met à rire. Alors le prêtre, alors le juge, alors le reître, alors le roi, quiconque vit d'erreur, d'imposture et d'effroi, Dracon au nom des lois, Tibère au nom des hommes, Caïphe au nom du ciel, tout ce que les Sodomes contiennent de plus sage et de plus vertueux, tous les cœurs nés, ainsi que l'hydre tortueux, les frivoles, les purs, les doctes et les obscènes, tout le bourdonnement de ces bouches malsaines s'acharne. Un homme est fou du moment qu'il est seul. On rit d'abord. Le rire a fait plus d'un linceul. Puis on s'indigne. Il faut qu'un tel forfait s'expie. L'homme osant n'être pas aveugle est un impie. Quoi ? Celui-ci prétend qu'il voit de la clarté. Il dit qu'il voit de loin venir la vérité. Il sait l'heure, il connaît l'astre, il a l'insolence d'être une voix, chez nous qui sommes le silence, d'être un flambeau, chez nous qui sommes la noirceur. Il vit là-haut, il est ce monstre, le penseur. Quoi ? Sa prunelle est sainte, et serait la première qu'éblouirait l'auguste et lointaine lumière ? L'abîme est noir pour nous, et pour lui serait bleu. Si ce n'est pas un fou, ce serait donc un dieu. Abba ! Écrit, fureur, sarcasme, affront, supplice. Les ignorants naïfs et les savants complices, tous, car c'est l'homme auquel on ne pardonne point, arrivent, et chacun avec sa pierre au poing.